Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Commémoration ce lundi du 56e anniversaire de l'indépendance nationale. Nous reviendrons dans ce journal au discours du président burundais Pierre Nkurunziza qui appelle notamment les fonctionnaires de l'État à bien sauvegarder les biens du pays comme de bons pères de famille. Le président du comité national paralympique regrette que les jeux des personnes en situation de handicap sont négligés par pas mal de Burundais, vous l'entendrez. Et puis la mesure du ministère de l'enseignement fondamental d'interdire aux élèves, auteurs de grossesse et ceux qui seront enceintes de poursuivre l'enseignement post-fondamental n'a pas été bien accueillie par la coalition Bafashebig. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les fonctionnaires de l'État sont appelés à bien sauvegarder les biens du pays comme de bons pères de famille. Dans son discours à la Nation de ce dimanche sur le 56e anniversaire du Burundi, le président burundais Pierre Nkurunziza met en garde les détourneurs de deniers publics. Le numéro 1 burundais réaffirme également son engagement au respect de ce qu'il a promis. Suivez-le, traduit en français par Placide Nyomungere. Tuhimbaje tumaze iminsi twibukije abarundi n'amakungu ko twinjiye mu nzira ya demokarasi. Nous célébrons ce 56e anniversaire après avoir rappelé aux Burundais que nous sommes en démocratie sans retour en annonçant que nous ne pourrons pas nous raviser sur notre promesse à Dieu et au peuple burundais. Nous rappelons que l'année 2018 est baptisée une année de prise de décision. Il se remarque un comportement étrange à l'approche des élections, voire pendant la période électorale. Nous informons que nous ne pourrons pas tolérer toute personne qui se donne à la malversation et au détournement des deniers publics. Nous demandons à tout dirigeant de communiquer des décisions mensuelles conformément à ceci. Sinon, ce sera une preuve de soutien à ces voleurs et ils en seront punis. Nous demandons à tout Burundais et surtout les fonctionnaires de veiller à la richesse du pays comme ils le feraient pour leur propre richesse. Les voleurs des biens publics seraient classés parmi s'est touché par des procès de flagrance visant surtout le retour de ces biens du pays. Nous appelons les forces de sécurité, de renseignement ainsi que ceux de la justice à redoubler d'efforts pour protéger la richesse du pays. À ceux qui font partie de ces institutions, nous demandons de bien servir le modèle. Abari muri izo nzego nabo nyene tubasavye kwigengesera babera karuru keza abandi barundi kuko na kare utera uburezi arabwibanza. Le numéro 1 burundais annonce également que la commission Vérité et Réconciliation pourra se pencher sur la période coloniale, comme l'ont demandé les sénateurs burundais au mois de mars de cette année. Suivez-les encore une fois. Nous sommes fiers que la commission Vérité et Réconciliation est à l'œuvre et ce qui a été fait pendant les périodes sombres soit connu ainsi les Burundais. Se rendre compte des conséquences de la colonisation. Nous reconnaissons également ce qui est sorti de la retraite des sénateurs tenus en province Makamba Nyanzalak en date des 14 et 15 mars 2018. Les sénateurs ont recommandé à la CVR de travailler sur la colonisation et nous avons pris note que les Burundais qui détiennent la vérité s'apprêtent à témoigner. Certains de ceux qui ont répondu présents aux cérémonies commémoratives du 56e anniversaire de l'indépendance du Burundi apprécient le fait que le Burundi est aujourd'hui indépendant. L'unité nationale et la sécurité dans le pays témoignent de cette indépendance, selon certains qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro. État des lieux de l'indépendance au Burundi, je trouve que c'est un état normal comme tant d'autres pays qui sont indépendants, parce que nous venons de terminer, de passer devant le tribune là où il y a son excellence monsieur le président et tout le gouvernement. Et je vois qu'il y a de l'ambiance parce que qu'il y a une personne qui quitte sa maison, tu quittes chez toi, tu vas au défilé et puis tu rentres ou bien tu fais tout le mouvement à l'aise sans problème. Il y a la sécurité totale, C'est ce que je vois et vous-même, vous le constatez vous-même qu'on est en pleine sécurité? Oui, on est indépendant au Burundi parce qu'on mange ce qu'on veut, on mange des œufs, on mange des poules. Mais à l'époque, les œufs et les poules sont des blancs. Mais aujourd'hui, un Burundi mange tout ce qu'il veut. Oui, c'est ce que je pense à l'indépendance. Bon, d'abord, pour l'état de lieu, c'est très bon. Il y a tout le monde, il y a tous les ministères, il y a toutes les sociétés qui se présentaient. Des choses qui m'ont beaucoup impressionné. D'abord, j'ai vu très très bien Monsieur le Président de la République qui a rentré des souliers, a fait une sourire avec sa population. Et on a aussi défilé. Tout le monde, il est libre de sortir. Effectivement, il a l'indépendance. C'est ça, la fois passée qu'on a voté la constitution de notre pays. Et nous étions libres. Et puis, c'est les Burundais qui ont cotisé, qui ont financé, et sans l'aide étrangère. Ça montre que nous sommes indépendants. Nous apprécions convenablement parce que nous sommes finalement des indépendants. Comme vous le voyez, nous sommes là. Nous sommes très bien, mais notre activité s'améliore. Même la population, ça se déroule bien, convenablement. C'est pourquoi nous disons que nous sommes quand même des indépendants. Donc on évolue de jour en jour. Comme on a déjà dit auparavant, nous dépendons avec les étrangers, les blancs. Mais pour le moment, nous sommes des indépendants, nous travaillons. Donc nous faisons tout ce que nous voulons dans notre pays. En tout cas, comme vous voyez, nous voyons que notre pays quand même a bien amélioré. En province de Gitega, au centre, les cérémonies marquant le 56e anniversaire de l'indépendance ont eu lieu au stade militaire en présence de toutes les communes. Il a été demandé que le Burundi puisse avoir une indépendance effective au niveau économique, mais aussi l'unité entre Burundais. Arthur Kavaouchi. Les cérémonies de commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Burundi qui ont été célébrées sur tout le territoire national à Gitega, elles ont eu lieu au stade militaire de Gitega et pour la première fois, toutes les communes sont présentes. Ces cérémonies ont débuté par les prières. Le représentant de la communauté musulmane de Gitega a prié pour que le Burundi puisse avoir une indépendance économique. Le représentant de l'église anglicane, quant à lui, il a prié pour l'unité entre les Burundais, source du développement durable. Celui qui a représenté l'église catholique a prié pour le respect entre les Burundais eux-mêmes, mais aussi entre les Burundais et les autres pays. Ces cérémonies ont connu en leur défilé en grande partie par les élèves des écoles post-fondamentales et des fonctionnaires tant du secteur public que privé. Il est alors attendu en défilé des corps de défense et de sécurité, ainsi que des cérémonies qui seront faites par les militaires du camp commando de Gitega. Dans la province de Gitega, il y a eu un dépôt de 3 gerbes de fleurs au monument du prince Louis Gwagasore par le gouverneur de la province de Gitega, l'administrateur de Gitega et le commandant de la région militaire ainsi que le comité régional dans les régions du centre-est. Afrika Babouchi, Gitega pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le président du Comité national paralympique regrette que les Jeux des personnes en situation de handicap sont négligés par pas mal de Burundais. Peu de gens assistaient au match et à l'athlétisme de cette catégorie de personnes. Et à l'école, les élèves en situation de handicap sont dispensés du cours d'éducation physique. Il a demandé ce dimanche, et lors de la finale du championnat national des personnes en situation de handicap, que cela change. Gérard Niwigira. Le président du Comité national paralympique, Nsabayezu Eugène, fait savoir que quand les équipes des personnes en situation d'handicap sont en train de jouer, peu de gens viennent pour assister. C'est au moment où les terrains de jeu sont pleins à claquer, lorsque ce sont les équipes des gens sans handicap qui jouent, et des fois c'est PA même. Il demande alors aux supporters de venir nombreux quand les équipes des personnes en situation d'handicap sont en train de jouer, et cela dans le cadre de les soutenir. En outre, Savayezu est jeune et regrette le fait que les équipes des personnes en situation d'handicap sont très peu sponsorisées, alors que les équipes de différents jeux et les athlètes des gens sans handicap reçoivent des sponsors costauds des grandes entreprises et sociétés. Il invite ces entreprises et sociétés de songer à aussi sponsoriser les équipes des personnes en situation d'handicap et les athlètes de cette catégorie, car et aussi représente le pays dans des compétitions internationales des personnes en situation de handicap. Aux communes, ils demandent l'insertion dans les plans de développement des projets relatifs au soutien du sport des personnes en situation de handicap, notamment en faisant construire des terrains de jeu pour ces personnes. Aux professeurs du cours d'éducation physique et sport, Nsabayez et jeunes demandent de ne plus dispenser de ce cours les élèves en situation de handicap, mais plutôt de leur donner un jeu ou exercice physique adapté à leur handicap. Ils invitent toutes les personnes en situation de handicap à ne pas s'écarter et choisir plutôt chacune un jeu adapté à son handicap. C'est au moment où ce dimanche se déroulait à Gitega la finale du championnat national de sitting volleyball et de para-athlétisme, du taekwondo et de judo. Depuis Gitega, Gérard Nivigira, Radio Isanganiro. Merci Gérard. En page éducation, la mesure du ministère de l'enseignement de l'enseignement fondamental d'interdire aux élèves auteurs de grossesse et ceux qui seront enceintes de poursuivre l'enseignement post-fondamental n'a pas été bien accueillie par la coalition Bafashebig. Selon le président de la dite coalition, cette mesure est un recul par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement et pourrait pousser les écolières à l'avortement avec des conséquences fâcheuses sur la santé. Jean Samandali déplore également le fait que cette mesure constitue un frein aux élèves intelligents. Suivez. C'est une mesure que nous n'avons pas accueillie avec satisfaction, puisque cette mesure vient retourner l'éducation en arrière, en se basant surtout qu'avec l'objectif de développement durable numéro 4, qui stipule que tout enfant doit avoir l'accès à l'enseignement d'une manière équitable et d'une manière inclusive. Est-ce qu'il y aurait des conséquences par rapport à la suite de la vie des élèves? Oui, les conséquences ne peuvent pas manquer, d'autant plus qu'il peut arriver qu'un élève qui a été engrossé par un commerçant, par une autre personne, autre que son collègue de classe. Elle peut prendre des mesures pour que cette grossesse puisse être éliminée. Ce qui fait que demain ou après-demain, cette mesure d'enlever cette grossesse peut causer des conséquences néfastes et peut même entraîner sa mort. Deuxièmement, l'enfant qui était doué, qui était premier en classe, quand elle est rentrée, elle a été violée. Vous voyez qu'elle va perdre la chance de continuer ses études, alors que ce sont des circonstances malheureuses qui ne viennent pas de sa propre volonté. Ce type de conséquences qui peuvent être causées par cette mesure. Certains parents d'élèves des écoles publiques et privées ont différemment accueilli cette mesure du gouvernement d'harmoniser les frais scolaires dans les écoles, tant publiques que privées. Les uns se disent satisfaits par le fait que les écoles privées leur font payer beaucoup d'argent sans leur consentement, alors que d'autres disent ne pas comprendre où serait la différence entre l'école publique et celle privée. Un enfant de 4 ans et demi a été retrouvé mort ce lundi chez lui dans un caniveau. Nous sommes en zone Gissio 4, en zone Kanyosha, au sud de la capitale Bujumbura. L'enfant était sans trace depuis 3 jours. Les parents et voisins de l'enfant se disent dépassés et demandent une enquête afin que justice soit faite. L'enfant a quitté la maison jeudi aux environs de 14h. Depuis ce jour, on n'aura pu le trouver ici. Mais le lendemain, aux environs de 15h, un enfant d'un voisin l'a vu tout près du lac Tanganyika, sur la route à côté des jardins de riz. Il a appelé notre enfant. Il a dit que nous sommes en train de rechercher. Et le monsieur qui gardait l'enfant a refusé. Il a pris la main, il a dit que c'est mon enfant. Nous nous sommes rendus tout de suite. On n'a pas trouvé l'enfant puisque c'est déjà en partance. Un autre groom de la localité nous a dit aussi qu'il a vu cet enfant avec ce monsieur, mais qu'il ne connaît pas où ils sont allés. Et c'est maintenant, aujourd'hui pour le cinquième jour, qu'on vient de le retrouver ici, en bas de la maison, dans un fauteuil de stockage de la vaisselle. L'Union africaine a approuvé ce dimanche l'instauration d'une zone de libre-échange à l'échelle du continent lors du 31e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tient en Mauritanie. 46 pays africains, dont le Burundi, ont déjà ratifié ce projet. Dans ce même sommet qui prend fin ce lundi 2 juillet 2018, il est prévu l'analyse des réformes institutionnelles initiées par le président de l'Union africaine, Paul Kagame, des réformes qui constituent l'autonomie financière de l'Union africaine. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la parfaite collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.